Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer notre tour d'horizon du forum Vivasso de Montlouis. Parmi les associations présentes, il y avait celle du jumelage Montlouis-Appenweier, qui œuvre depuis des années à entretenir les liens d'amitié et d'échange entre les deux villes. Nous avons rencontré sa présidente, Brigitte Marnet, pour parler des actions de l'association et de ce que représente concrètement ce jumelage dans la vie des habitants. On l'écoute. On s'intéresse maintenant à une association culturelle qui est l'association de jumelage Montlouis-Appenweier. Alors j'espère que je le prononce bien, sinon me faire tirer les oreilles par sa présidente Brigitte Marnet. Bonjour Brigitte. Bonjour. Donc Appenweier. Appenweier, c'est parfait, vous êtes bilingue. C'est vite dit. Alors cette association, elle date pas d'hier. Alors l'association a été créée en 2010 et le jumelage existe depuis 1975. Et alors comment vous êtes tombée dedans ? Alors, je suis tombée dedans pas longtemps après le biberon, puisque j'y suis depuis la création, depuis 1975. Et donc, j'ai fait partie du premier échange jeune à Pâques 1975. Et alors, ça a dû vous marquer parce que vous êtes toujours investie. Bien sûr, ça m'a marquée. Il faut s'imaginer qu'en 1975, on voyageait très peu. Donc, partir en Allemagne, outre-Rhin, on avait l'impression de partir pour un très, très, très long voyage, ce qui était le cas à l'époque puisqu'il n'existait pas le TGV. Donc, il nous fallait une journée pour arriver à Appenweier. Qu'est-ce que l'association met en place tout au long de l'année? Quels sont les liens avec, du coup, cette ville qui, on le reprécise, mais est en Allemagne? Est-ce que, d'ailleurs, c'est une ville qui est à peu près équivalente à celle de Montlouis en termes de taille? Alors, donc, en termes de taille, oui, c'est la raison pour laquelle, en 1975, Appenweier a été choisi pour être la jumelle de Montlouis. Alors, tant en taille et également du point de vue économique, puisque à Appenweier, qui est une communauté de communes, en fait, hein, c'est Appenweier, Urlofen et Nesseried. Ah. Et en fait, Nesseried est également un village de vignobles, comme à Montlouis. Donc, c'est ce qui a interpellé la professeure d'allemand à l'époque pour revenir faire la proposition à la mairie de Montlouis pour faire un jumelage entre la communauté de communes Appenweier, Urlofen, Nesseried et Montlouis. Donc voilà, et donc toute l'année, effectivement, il y a des relations, des échanges par mail, téléphonique et de visu entre les deux villes, avec un point fort cette année puisqu'on a fêté le 50e anniversaire de notre jumelage. On a vu défiler des photos sur l'écran à votre stand. Et puis ça va même au-delà, j'ai envie de dire presque des adhérents à l'association, puisqu'on pense à tout le travail qui est fait entre les écoles, par exemple, les échanges entre collégiens qu'on a pu relayer sur l'antenne de Radioactive avec Marcus Zeim, professeur d'allemand. Donc vraiment, c'est quelque chose de culturellement très installé chez les Montlouisiens. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il y a toujours eu des échanges jeunes depuis 1975. Je peux peut-être me permettre de dire que peut-être juste pendant le Covid ou la Covid, il n'y a pas eu d'échanges jeunes, mais ça a été repris grâce à Marcus Zeim, qui est professeur d'allemand et allemand au collège de Montlouis. Et effectivement, donc les prochains jeunes là repartent à Appenweier troisième semaine de novembre, je crois. Et le retour, c'est-à-dire que les jeunes Allemands viendront à Montlouis au printemps 2026. Et alors, en 2026, je crois qu'il y a un événement qui se prépare, qui va être la suite de ce que vous venez de vivre déjà. Tout à fait. Donc 2026, ça va être beaucoup plus, je vais prendre un mot anglais, light, pour nous, puisque c'est les Montlouisiens qui vont être accueillis à Appenweier pour fêter le 50e anniversaire en Allemagne. Donc effectivement, c'est nous qui allons être les invités cette fois-ci. Donc ça va être plus facile en termes d'organisation. Bon, on aidera bien sûr pour que les Montlouisiens soient le plus possible hébergés dans des familles allemandes. Alors tout à l'heure, quand je suis passée, qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à échanger, vous m'avez gentiment proposé de goûter de la bière. Mmh. C'était quoi cette bière? Précise que l'alcool est à consommer, bien évidemment avec modération, mais vous pouvez m'en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, tout le monde sait bien sûr qu'en Allemagne, la bière, c'est la boisson qui coule très souvent à flot sur les fêtes. Donc, la bière locale, c'est beaucoup la Rothaus. C'est beaucoup la bière qui est bue sur les fêtes, hein, la bière de la Forêt Noire. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a une très belle entreprise à aller visiter, l'entreprise de Rothaus, pas très loin d'Appenweier. Comment on fait pour vous rejoindre au sein de l'association, pour adhérer ? Pour soutenir votre projet associatif. Alors, pour nous rejoindre, des personnes ont compris lors du forum de l'association, elles sont venues nous voir aujourd'hui. Sinon, je vous invite à aller sur le site de Montlouis, dans la section jumelage, et vous trouverez notre adresse mail. Nous sommes également présents sur Facebook. Je profite de l'antenne pour dire notre adresse mail, montlouis.appenweier@gmail.com. Vous retrouverez tout ça sur la page de la ville de Montlouis. En tout cas, ça donne très envie parce qu'en jugé par les photos du diaporama que vous aviez mis en place, beaucoup, beaucoup d'ambiance. On sent qu'il y a un réel lien amical et durable entre Montlouis et Appenweier. Merci beaucoup Brigitte Marnet. Je rappelle que vous êtes la présidente de cette association. Oui, tout à fait. Merci à vous de m'avoir interviewée sur le jumelage. Juste un petit rappel pour les personnes qui ne savent pas où se trouve Appenweier. Ce n'est pas très loin de la frontière allemande, c'est Strasbourg, Kehl. Et quand on est à Kehl, on est à peu près à 20 minutes d'Appenweier, au pied de la Forêt Noire. Donc c'est la continuité des Vosges et c'est magnifique en termes de villégiature. Merci à vous. Merci à Brigitte Marnet, présidente de l'association de jumelage Montlouis Appenweier, pour son accueil et son enthousiasme à nous présenter son association. Association de jumelage qui continue de faire vivre les valeurs d'ouverture, de partage et puis de découverte mutuelle au travers de rencontres et d'échanges toujours plus chaleureux. Un bel exemple de ce que peut créer la vie associative locale qu'on aime tellement mettre en lumière dans ce mag sur Radioactive, qu'on vous invite à retrouver chaque jour à partir de 18h. Et d'ailleurs, rendez-vous demain. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.